Les petites histoires de Telmi. Le train fantôme. Chez moi, on a des trains plein la tête. Papa est un grand champion du monde de modélisme. Maman parcourt le monde pour faire des reportages sur les trains. Moi, j'aime me plonger dans les archives de mémé. Ils ont écrit des tas de trucs sur les locomotives et leurs trajets. On est tellement fous de trains que mes parents ont un projet génial. Acheter la vieille gare du village. Elle tombe en ruine depuis que l'hyper-express est arrivé. C'est le train le plus rapide du monde. Et chaque jour, il m'amène à l'école en un clin d'œil. J'adore l'ambiance de ce train au petit matin. Tout est calme. Un peu comme si tout le monde était encore en pyjama. Il y a ceux qui finissent leur nuit, la bouche ouverte. Ceux qui plongent le nez dans un écran ou dans un livre. Et puis ceux, comme moi, qui rêvassent en contemplant le paysage qui défile à la vitesse de la lumière. Mais ce matin-là, le train avait à peine démarré qu'il se mit à faire tellement froid qu'on soufflait tous des petits nuages. Les écrans des grands se remplirent de neige. Alors, pour la première fois, une vague de grognements s'éleva dans ce wagon si tranquille. « Un fanfan ! Un fanfan ! Un fantôme !» Un monsieur terrorisé déboula et se jeta sur le contrôleur qui remonta l'allée. Il claquait tellement des dents que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Tout le monde se leva, se regarda et un brouhaha inquiet envahit le wagon. J'avais lu des tas de légendes sur les trains fantômes, mais aucune ne se passait dans un train comme l'Hyper-Express. Et si c'était vrai, j'aurais une histoire géniale à raconter. Je laissais les grands s'inquiéter pour me faufiler jusqu'aux toilettes hantées. Dès que je mis le nez dedans, le froid me mordit la main. La stupeur étouffa mon cri de douleur. Devant moi, la silhouette d'une jeune fille apparut. « Aidez-moi !» J'avais trop froid pour parler ou pour faire le moindre mouvement. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était bouger les yeux pour lui montrer sa main sur mon bras. Le fantôme me lâcha aussitôt. « Pardon. Pas grave. Je comprends pourquoi le monsieur a eu peur. »« Tu ne vas pas t'enfuir. »« T'as besoin d'aide, non? Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on vit une histoire de train hanté. »« Je ne hante pas ce train. Je me suis perdue. »« Comment ça, perdue ?»« J'ai pris le mauvais train. » Les fantômes prennent des trains? Faut croire. Un grand monsieur en costume noir m'a dit de me rendre à la gare abandonnée pour prendre le premier train qui arriverait. Mais tu t'es trompée. La gare où tu es allée n'est pas du tout abandonnée. Oh, mais comment je vais faire? Je ne veux pas rester coincée ici toute ma mort. Je crois savoir où se trouve ta gare. Somme, deux minutes d'arrêt. C'est là que je descends. Viens avec moi, on va trouver une solution. C'était pas croyable. J'allais à l'école accompagné d'un fantôme. Elle s'appelait Marie. Être à ses côtés, c'était comme être pieds nus dans la neige. Bizarrement, plus je restais avec elle, moins ça me dérangeait. Arrivé dans la cour, je m'assis dans un coin du préau et sortis l'almanach de Mémé, mon trésor. Il y avait noté toutes les informations sur les trains, les gares et des chemins de fer de la région. Alors ? Je suis presque sûr que tu aurais dû aller à la vieille gare de mon village. C'est vraiment trop super. Encore en train de parler tout seul, le fou ? Non, Virgile, je parle avec un fantôme qui a besoin de moi. La terreur s'avança, fut saisie par le froid et recula aussi sec. Vous approchez pas, les gars. Vous allez devenir aussi débile que lui. Heureusement, la cloche sonna. La terreur et son fan club s'en allèrent. À la récré, je rejoignis Marie dans un coin de la cour. Mais alors que je lui montrais une carte dans l'almanach de Mémé, Virgile me l'arracha des mains avec un sourire mauvais. « Alors, l'idiot des trains, tu parles encore tout seul ?»« Laissez-le tranquille !» Une bourrasque glaciale souffla Virgile qui tomba à la renverse. Tout le monde le regardait. Transi de froid, il se releva en essayant de faire comme si de rien n'était. « Faut pas s'approcher de ce fou! Vous avez vu ce qu'il a fait ?» Deux petits rigolèrent. Vexés, Virgile s'approcha d'eux et les poussa. Marie fonça sur lui. Un vent glacial balaya la cour. Elle l'agrippa par la manche. Il devint bleu de peur. Elle lui murmura quelque chose. Les yeux du caïd se remplirent de larmes qu'il s'efforça de retenir en reniflant. Et puis, Virgile s'excusa, sous le regard médusé de ses acolytes. Marie revint vers moi avec un sourire satisfait. « Qu'est-ce que t'as fait ?»« Une dernière bonne action avant de prendre mon train. » Pour la première fois de ma vie, un trajet en hyper-express me parut lent. Aussitôt à quai, on a foncé en direction de la vieille gare. Mais en apercevant ses premières pierres, j'ai ralenti aussi sec. Et si Mémé avait oublié une gare dans son almanach? Et si Marie restait coincée ici? Pour moi, c'était chouette d'avoir une amie fantôme. Mais pour elle... Moi, je ne pense pas que tu te sois trompée. Comment tu peux savoir? Je ne sais pas. L'instinct de fantôme. Devant la gare, elle me prit la main. Sa froideur s'était changée en fraîcheur. Et sous mes yeux ahuris, la gare délabrée retrouva sa splendeur d'antan. La fissure qui déchirait la façade avait disparu. Le toit effondré était comme neuf. Elle étincelait, illuminée par des centaines de lampions colorés. Des tas de fantômes allaient et venaient comme s'ils étaient de simples voyageurs. Des panaches de fumée s'échappaient des locomotives au rythme des sifflets annonçant départs et arrivées. Marie m'entraîna à l'intérieur. Un panneau gigantesque annonçait les départs et les arrivées des trains. Il y en avait des tas. Un peu perdu, Marie interpella un fantôme habillé comme un agent des chemins de fer. Casquette vissée sur son crâne squelettique, armé d'un bloc-notes, il renseignait d'autres fantômes. « Pardon, monsieur, quel train dois-je prendre pour partir ?» En nous voyant, il devint plus blanc qu'il ne l'était déjà et me dévisagea. « Tu as amené un humain? Il n'a rien à faire ici !»« Oh, je ne savais pas, mais il m'a sauvé, vous savez. » « Merci, petit. Et excuse-moi, ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un comme toi. » Le squelette considéra un instant Marie avant de consulter son précieux bloc-notes. « Quai 3 dans 5 minutes !» On pressa le pas pour ne pas rater le train. Même si j'étais soulagé qu'elle puisse partir, lorsque Marie monta dans son wagon, mon cœur se serra. Elle déposa alors sur ma joue un baiser plein de chaleur. Puis elle s'évanouit, me laissant seul sur le quai délabré de ma gare toute décrépie. Merci à Liam de nous avoir soufflé le thème de l'histoire. Vous aussi, vous avez une envie d'histoire? Dites à vos parents de nous l'envoyer par Facebook ou par mail. À la semaine prochaine !